nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Bonjour, c'est bien sur RKP pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Garyu Arvui, Trihandek à Perugun, 390. Alors, quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors, aujourd'hui, on va voir un mot court, un mot en trois lettres, SEZ, SEZ, qui correspond au français siège. Alors, c'est un mot qu'on trouve également en gallois. Alors, en gallois, il s'écrit SE2D, hein, puisque l'équivalent du Z en gallois, c'est 2D. Et pluriel, alors pluriel, on trouve sésou ou sésiou. Alors c'est un mot assez étrange puisque selon les auteurs, on trouve par de dictionnaire par exemple, on trouve qu'il est masculin ou féminin. Par exemple, il est masculin chez Albert Dehay et chez Martial Ménard, et il est féminin chez Francis Favreau. C'est bizarre, ça. Et c'est assez curieux. Donc et chez André Mercer, il est féminin aussi, quoi. Donc voilà, il y en a un qui a fait une erreur. Non, peut-être pas. Peut-être que c'est un, parce qu'il y a des mots comme ça qui sont pas forcément très bien définis. C'est un peu comme le sexe des anges, hein. Donc on va pas s'attarder là-dessus, mais enfin c'est assez amusant. Alors en fait, c'est un mot qu'on entend pratiquement jamais, puisque en général on précise de quel siège il va s'agir. De quel siège il va s'agir. C'est un exercice de prononciation. Oui, donc on va dire regarder par exemple une chaise ou scan un banc. Donc en général, on n'utilise pas le mot siège tout seul. Donc on précise. Hein. Cador qui vient du latin cathédra. Hein. Donc on le connaît surtout par ses dérivés. Par exemple, assaisan, qui veut dire asseoir ou s'asseoir. Alors, c'est un Z ici, on l'entend pas. Hein, ici, ici d'ailleurs, c'est un peu différent, je vais le dire. On va trouver, dans le pays ficelle, on va trouver un géant. Agédar, hein. Asseyez-vous là, Agit. Et alors que dans les pays plin ici, on dit Quash. Ah oui. Quashedazé, hein. Et qui est une forme de Quasaisan aussi, quoi. Mais qui est une forme assez différente quand même. Et Quash, on trouve ça dans aucun dictionnaire. Enfin, dans ceux que j'ai consultés jusqu'à présent, on trouve jamais ce mot-là, quoi. Mmh. On trouve Azaisan tout le temps, hein. Et pourtant, ici, on dit Quash. Et alors, j'ai entendu une autre forme dans à Belle-Île-en-Mer, Chouk, Chougazé. Il y a d'ailleurs un petit restaurant, là, quelque part dans l'île de Belle-Île, là, où on mange fort bien et qui s'appelle Chougazé. Hein. Mm-hmm. Asseyez-vous là, quoi. Voilà. Alors ici, on dit toujours Quash. Donc dans le pays ficelle, on va entendre Ager, hein. Âgé et loin d'une dans le veine, hein, j'étais assis sous l'arbre, hein, voilà. Âgé et deux endôles, hein, assis à table, voilà. Et donc, on va trouver ici dans le pays plin, comme je l'ai dit, on va trouver plutôt Quash, hein, Quash et donc regarde, hein, c'est le cas actuellement, hein, voilà. Et il y a une autre forme aussi, c'est qui est une forme amusante, familière, te leur poésa, hein, te le topoésa, hein, jette ton poids sur la chaise. Ah oui, c'est hein, amusant ça. Ouais, te le topoésa, regarde. Hein. Là, c'est plutôt familier, c'est amusant, quoi. Hein. Au lieu de dire quoi, show, regarde, on va dire te le topoésa. Et on dit aussi ici. Souvent, enfin, on disait surtout autrefois, quache nos coingés, c'est-à-dire asseyez-vous assis, c'est une redondance, hein. Asseyez-vous assis. Ouais, on aime bien, le breton aime bien les redondances comme ça. Hein. C'était par exemple quand on invite quelqu'un, hein, quand quelqu'un rentre dans la maison et qu'on l'invite à s'asseoir et qu'il refuse par politesse. Hein, normalement, on ne doit pas accepter tout de suite, hein. Donc, j'ai vu souvent ma grand-mère qui disait ça, « Quashen no quange », et ça s'accompagnait souvent d'un coup de torchon sur le banc. Hein, c'était vraiment pour insister, quoi. Voilà, ça fait partie de la politesse bretonne, quoi. Alors, une forme pour insister. Alors, il y a d'autres dérivés, comme diases, qui est... un diases, c'est la fondation de quelque chose. Hein, parce qu'on va, par exemple, on va asseoir un bâtiment, ou même au sens figuré du terme, hein, asseoir quelque chose, hein, construire quelque chose, donc sur une fondation, sur une base. Hein. Et donc, le verbe hein, diazeson, qui est donc fondé, quoi. Et donc le pluriel diazeson, hein, qui veut dire fondé, basé sur quelque chose. Alors, il y a d'autres dérivés. Hein, bon, par exemple, diezesadur, hein, diezesadur, hein, c'est assez long, est un établissement. Hein, voilà. Par exemple aussi, on va dire diezesan ur main tientan, poser la première pierre. Hein. Ça se faisait souvent, ça se fait souvent d'ailleurs hein, pour des bâtiments, et des fois on reste à la première pierre. Hein. Et alors il y a l'expression aussi que j'ai trouvée dans un petit article de Martial Ménard là, azezan warivoto, s'asseoir sur ses chaussures, ça veut dire rechigner à payer en fait. Hein. Ah oui. Azezan warivoto. Voilà. Eh ben, ma foi, nous, on va pas s'asseoir sur nos chaussures, hein. On va rester sur notre chaise. Chaume-moi, regarde. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Très bien. On passe à la deuxième partie d'émission. Brisonné que t'en m'attends. Deuxième partie d'émission, Brisonné que t'en m'attends. Oui, alors aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu particulière, puisque on arrive à la fin de l'année scolaire, et que on sait bien que tout fonctionne en fonction de l'école, en Bretagne comme en France. Hein. Et donc, on suit un petit peu le rythme scolaire. Et donc, maintenant, on va passer à un rythme un peu moins soutenu. C'est les grandes vacances. C'est pendant les grandes vacances. Donc, en fait, on fera qu'une émission tous les 15 jours, qui sera rediffusée sur 2 semaines de suite. Voilà. Donc, toujours aux mêmes heures, hein. Je peux rappeler les heures, hein. Donc, c'est le mercredi à 17h et à 22h. Et le samedi à 10h30. Voilà. Alors cette émission, cette année on va fêter les 30 ans de RKB au mois d'octobre. Alors l'émission Hender Brezon, donc c'est pas encore un condron, puisque ça existe depuis 9 ans maintenant. Donc on a commencé en 2004, déjà 9 ans. Et depuis l'origine, il y a toujours les trois parties. Guerriot Orvué, donc sur les mots de la vie courante. Brezon le temps matin, qui nous emmène de temps en temps à Zantolk et Petrazone Vervro. Voilà. Alors, depuis, les choses ont évolué. Hein, l'émission, elle est rediffusée par d'autres radios. Donc, on l'entend un petit peu partout en Bretagne. Et puis, elle est disponible aussi sur Internet. C'est radiobraise.net. C'est ça. C'est ça, radiobraise.net. Avec un H à Braise. Oui. Oui, voilà. Donc, écrit en petites lettres et tout attaché. C'est ça. Voilà. Donc, on peut retrouver les émissions. Voilà. Alors, c'est une émission qui a toute une histoire déjà, puisque, j'avais commencé avec Josette Duvivier, puis ensuite avec Morgane Large, et puis Anne Le Brigand maintenant. Donc, on va arriver à la 400e, hein, dans quelques temps. Donc là, peut-être qu'on fera quelque chose d'un peu plus important, et peut-être faudra fêter ça d'une certaine façon, quoi. Ah bah oui. Et puis on va arriver aux 10 ans aussi, quoi, hein, puisque c'était lancé donc en 2004. Alors la seconde partie donc de l'émission Brezon le temps matembe, ça se passe dans un village, une commune qui s'appelle Zantolk, hein, et mystérieuse commune. Une mystérieuse commune de Zantolk, mais le lieu dit existe. Hein. Le lieu-dit existe, et à partir de là, le lieu-dit existant plus un petit peu d'imagination, on arrive à cette commune où tout le monde parle breton, même les Anglais, et donc on découvrira encore pas mal de choses certainement à Zantolk. Voilà. Alors il y a dans cette deuxième partie là, il y a eu beaucoup de participants. Hein. Bon, déjà il y a eu le personnel de RKB y est passé entièrement, hein, donc en tenant différents rôles, et puis des personnes extérieures de temps en temps, quand on arrivait à attraper un bretonnant par-ci par-là, on arrive. Comme pour les vœux du maire. Voilà, des gens extérieurs, comme pour les vœux du maire avec Micheline Blouin, et puis bien d'autres. Hein, je vais pas les citer parce que sinon je vais en oublier. C'est toujours comme ça quand on cite des gens. Mais bon, voilà. Et bien sûr, il y a aussi la technique, hein, l'ami Bruno qui est toujours fidèle à la technique et au montage de l'émission. Voilà. Donc, on va continuer un peu plus lentement pendant les vacances. Et puis après, à la rentrée de septembre, on reprendra le chemin de l'école comme tout le monde, hein, de school. Voilà. Donc, on souhaite de bonnes vacances à ceux qui en prennent. Très bien. Et puis du bon temps aussi à ceux qui n'en prennent pas. Voilà, et on passe à la troisième partie d'émission, Petrazone Vervro. Thank you. troisième partie d'émission, Petra Zonévier Vrou Henri. Ben, calze du de Veljus Bouervij Diouzan, Krogom de Tiantovel, qui s'accustume, Gandela Bourdouar Agavu et War Armes. Erion vraiment pas crazy non, à deux des bénéfices en Amzorvrau, obligea durer Vidonol et Veljus. Vie de réseau, une vacance, ou pé 30 mois de vie de réseau de la bourrate, mameuse mot, ag, barze fermi ou zo bizerre de vouen mode, blam, gand calze dut, ag maïs gresque bu entrée vraiment, ag bon au chasse gwen non, hein, pé sa mot de gresque vraiment. Bafin miseven, vie de mon pèler en temps, et bézine de nemglev, vie de pat neve. Ag bon zion e kebe ez lakad seiz bro war nugel den an glev den dro den dol met benefin zo bekav et an emglev a zin e debet. Ag an emglev zez evo vid huerla, hein, deze blav dauvil perzeg beta dauvil ugen, pe la varin mod. Ag mest laobourdou ar pe mest ministre tientor war Labourdou a revit bro Europa ebez, d'Asien Solos, neus l'ar de Pagnevese, oa mad evit kav de o hempouez benefin, tre ma gant dut, hein, zis o pem gant milion de dut, me mestra bro Europa, hag diwal den zen endro, eus ke se. Hag bon, gwellet vo pe sa mod vo kont, benefin, betak bremañ ne ke gwal skler an tro oas, med zo war vo gwellet, hein, prestig, war pe sa tu hei en trou. Hag ondra el roaz, evit ar vez tiantan ebe vot d'ar pax gant parlament bro Europa. Hag zez o ondra vad, hein, mont war nen den demokrate ez benefin. Bon, amma e breiz, en trou nant ket yen vad war an labour douar. Da skouer gant ur stal gad, hein, zo war vo zer en tilar an mor zo ba lampol gemilio. Hag ze zo ori vin vid ar vro, peut dur ba tilar an mor gad oa eis kan le dud o labourat. Hag bon, no ket brad eo hat kavout labour. Hein. Bon, kinik eo vo de dernem mont labourat ba Jocelyn, met evel just ne ket brad, hein, peut dur mamez zo tud hag fami oa l'air oa e gwaz hag ori gwa labourat bati gat. Bon. Gwelet vo med ori vine vid ar vro me mestra gwelet o un tilar an mone ve veloa o seri. War da chen politikerez bremañ ve je nam zor gont an dar deus politikerez krog en trog de vir vi un tam war da chen ar votade gouz o deus on pudur vo vid kuzuler yon an departement ne chanj o kalz an trao. Zuroar, bopet. Antonio oa bet de krou de ba mar e un dispar, hein, pe revolution ma peswan, hag an sez o dauhan lasso. Da skouer, kanton Kalak, kanton San Nicolas, kanton San Nicolas vigelard, kanton Botoa de Houlse, kanton Rostren, bon, a benefin, n'in ke be chanj kalz boe, hag ar chanj on trao vraiment plus dur Hervé Kled vo c'het ka de wardro Ugen Mildeen ba pep canton. Am ave l'ar de Ugen Mildeen ze tout ur CCKB da skouer a zera Ugen Mildeen. Hag an se bon o canton yo pel brasor. A neptor guzulerien, hein, plus dur bon, vraiment ba département de Odo Narvor zo do a hantor kan an e chomo ke message warn Ugen. C'est tu zuroir vos calz jèche blé, hein, de rogue vos grètes tout d'un trouse. A gwellet vos pès à mot de vos comptes. Comme ze de mesar de zon temps de CCKB, de l'arrêté au strolat parouge, hag vie de strolage ou parouge, ou gis, zo calz gudéen, ouais, da square, un dro de ven gammar, zo rak 13, et vidor au pès ur pez strolat par eus jou, hein, med bon, un dud n'en ket de, tout un dud n'en ket de du, dern de ze par eus jou l'aria, dern l'ar anan, dern l'ar a matrezen, pe matrezen noir, bon, vid ur mar en eke gwal skler an trou. Bon, ba mis meurs d'au vil perzeg, hein, vo gred ur votadeg evit ur par eus jou. Merio hag gusulerien barouzeau, quoi. Hag azin bon vec clev calze droouaz, mais sur oar ove je tram de gouan, non, pil ar emboad, ove je tram de non, vo clé de mur drou hag gro gant trog de vie en vin an tamm. Bon, non ket de gomstar deus un tour de France, pe deus brohal, de tro brohal ma peson, pu dur benefin war an ket piouz o treig an dours clair a piouz o treig an lezri bot. Un DL a se moa gwell ba, ban da bater yon fentus pe un tele ma peson, e moa gwell notre o ino. A fulor ne den pot, pu dur, vi j'ai goul le gant an agen yo a betap de lezri bot, pe oa hor un tro brohal hag mil ardar oa fulor de pot. Bon, se tu disement kon, hein, gant gant reder yon war marou. Hein. Bon, dans bon temps, moi, d'ach en zévenadur. Vid ar brezon, jiwaz ne yak gwalvard en trou, ur mar e man, tientor an war valak, mam, spela ar imad. Da skouer, ba skolaj rostren, zuroar vo zer ad nent en diou yezek, hag ouz koud ezo kalz vugal ezo ba skol vam a ba skol tientan derez hag ar brezonek. Hag waler, waler war vet klas ne vo kemant betin, hag zezo, zezo trist, hein? Hag kar adin me mestra, ma me zi o vez gwell ze. Me zi ne harzo ket de pen ou braz, ba, de zeur vro, am, d'ober diskour yo, war identite le zeur vro, war eze venad yo, war brezon, ji was, tout un trau zen ni keme komp jou toul. Gwell or vefe bet zel ad un trau, or vej benek war reun, evit ober an dra benek ma trezen vikaz un trau war o. Bon, disement a vué, disement qu'on ne braise pas peut. War ma me stachen, o neube député de ce braise, hein, zo, ur mar et moi, o kini gant dant velezen, et vide, o beur, on dra benek, et vide Jésus Gwasket. Un dant velezen, bon, honz vo, me zon zo bet hanterkan dant velezen, boer bla, mil no han, onan a hanterkan. Zira kazi war on dan velez en bepla war an dachen ze. Hag benefin en yetout ba bon ar papir yo toul, pe o papir yo val, hag zir war an dan velez en vo gret ur vejman, vo ma me skont ganti. Hag ouz koud e jonge meneuz en dud, pe sa mod oa bet promet gant fanch o land, pe oa hokan bali, hein, pe dur ze oa ur point c'hwer a hantar kant deus des ivrogrammes, des ivrogrammes, vigebit, gret, vendra, benek, et vidor, yezu, guasket, mais, j'y oas tramedi, en amzor de gambali. Bon. Un DL, on tombe, à ma mustachen, ou habit de recive de, on ne battu de, zo, tivel en braison, de grand, notre ou poignant, notre, l'armoisé, déjà, ouais, une jonge de, ouais, de notre ou poignant, puis, notre ou poignant, zo, mer, ma kemper, a cusulior, vie de, fancholande. Ouarang que cusul yo a pesa d'enlevé, mais cusul yo bon peut. Hag un autre poignant, neus l'ar ed on dra fentuzoar, ne oa ket med oa yez offici e le brohal a oa ar galak, an oa ket moyen de lakad o yez offici e le bet hendel. A zur oar neus ket klevet komz de ze lezen ze zo zo e zo oar, zo ve vot neus ket gwal belzo, hag laka ur zoznek vel yez officiel vin studi uel ebrovran zezo bevot neus ket gwall belzo hag ben deg pe ugen la ame re studi de zer yerhan de vond ba pezvelar de business de raste la do bernerhan re o studi e zoznek hag reel re bower petramant ur rezo jonge de chom power pa do bue re o studi e galak. Dis montre goelot vo bon pion comes de yes de ce yesu ma treize ne peut be clave de un abord de galawag avec red bmd ou rkb vraiment de christé à dec ag honor un abord de zo gret gon plume fm ag bon bimchilo de dpdr wish déjà ag bistré car en plus justré un abord de galog à des on dra mu roise vide vide rkb on dra va hendel bavroz au trou trou yarban me mestra Trouer chapelio da skoers o krog, hein, bebio ave un dra benek, ban o chapel benek, pi un dro der chapel. Krog do an trou ba zan Christine, ba gronvel, hein, hag oa beker an trou, hag bremen, ba bebio ave trouer chapelio, a la rande d'un monde ka zur e broad veled a de chilo. Hag un indi diouzant vo gret, ba, il is tre malgad, hein, d'or yo, no war nugen vizest. Bon, chomo mon tam war dachen eus evenadur, Thierry Gigourel, zon, o skrivanur, an eus gret o lever in Galag, hein, a zo haunet, grand rebel, e révolté de Bretagne. Hag lever ze zo be prof din gant ar mignon, la, meus be plijadur o len nan. Hag kalz, bon, komzera deus, deus kalz dud vel nominoe, an a vigelaret tad ar vro, pe an avreiz, oaz, oaler, pe Bastian ar Balp, deus Marquis Poncalec, deus Georges Cadoudal, deus Émile Masson, deus Général de Bollardière, deus Morvan Lebesque, hein, un din de scrive de Lever, comment peut-on être breton, hein, bah, bla, des Catrugues, hag deus Glenmore, et bel juste, hag échuira à Lever, gant Guarnicos, hein, pe oa gret de Lever, oa ket mar Guarnicos, oaz, mais vraiment, il est un an an, la ramoisie NDL, hag bon, au lever bras de l'aine. PV Combs de ce leverio, Daniel Giraudon, zo an an ma de Bavro, on den hag Combs Galawak Koulsvel Brezon, pétan man Brezon de Koulsvel Galawak, hag on den de skian, an escrive de au lever gant on el, zo haun de divriou, on an zo war zo haun de coquillage et crustacé, à Gonel, zo, poisson et oiseau de mer. À bon, bras ou tré, vé, l'éveil au gré de gand, Daniel Giraudon d'Herma. À imbande d'igne, l'éveil au zeu gand Yoran imbande. Bon, plus dur, on ne comms, ara de l'éveil au zeu ben imbande, né vaisseau et bé had imbande, or, un troïdigues de ze Don Quichotte, ou à bé gré de gand, un tas de clair, hein. Gwegel, hag, enfin Gwegel, pas Gwegel, goz, men, on ne babla yo zo, hag, bon, ni oa tro de Don Quichotte, hag, hadin ban de bet Don Quichotte, hag, an sim, azo, nan yus oan de len Cervantes, e brezon, e halo over. Bon, e ke fal vid ar, vid an nan, hein, an tam, program vid len, len Don Quichotte, pe Daniel Giraudon, pe Thierry Gigourel, bon, pe tam an bran an amzer, l'en bandichol, l'en dans l'oven, benneket. Bon, c'est tu la randar qui navo, hein, chilo wea en RKB. Tien arvegel. Tien arvegel, Eri.